ramener les choses à leur vraie valeur. Et puis on va se déplacer ailleurs. Non, je sais plus, après on a un autre placement. Et on reçoit Plan de Cuc aussi derrière. Donc Plan de Cuc, c'est une belle équipe aussi. Donc non, on n'a pas des matchs faciles. On va voir, on va revenir, tu le sais, mon cher Karl. On va voir, avec nous ça sera encore moins plus, ça sera moins facile, rappelle-leur qu'on va revenir faire un direct. Ouais, hein. On va revenir parce que j'ai regardé un petit peu le plan d'attaque là. Il me semble que vous recevez encore 2-3 équipes qui sont très intéressantes pour la suite du championnat. Ouais. Plan de Cuc, ça va être, je pense, un match engagé. C'est toujours engagé. Et bon, là on n'aura que des matchs engagés de toute façon maintenant. Vous allez avoir du haut du tableau qui va venir. Leur saison, et puis nous on joue. Voilà, il y a tout le monde a quelque chose à jouer, donc voilà, ça va être bien. Ça va être bien, et puis c'est le genre de match qu'on veut jouer, donc voilà. Merci, Karl. Merci, ouais, vive le handball Amazon. Et puis voilà, merci à vous de prendre des nouvelles de temps en temps. Parfait. La Ligue se porte bien, les jeunes aussi, parce que je sais que tu as plusieurs caps. Au comité, ce week-end, c'était le tournoi des intercomités nationaux. Les garçons sont qualifiés pour le troisième tour. Mais l'équipe féminine, on s'est fait éliminer hier à Avignon, donc un peu déçu. Ouais. Je comprends pourquoi tu peux avoir le moral. C'est pas avec... le week-end de l'année, ouais. Ouais. Ça, c'est un vrai amateur de handball. C'est un vrai coach. Bon, merci Karl. Merci pour ces bonnes informations. À très bientôt. Au revoir, Karl. À bientôt, au revoir. Bye bye. On va avec Marie, juste le dernier résultat de la pré-nationale féminine. Il y avait les Sorgues du Contact qui jouaient ici. Et il y avait bien sûr Sorgues Basket Club qui est en train tout doucement de se sauver. Alors, Porte d'Aix, Sorgues, 35-32. Miramas, ASPTT Marseille, 19-30. Aiguère, Châteauneuf, 20-17. La Ciotat, Port-de-Bouc, 22-20. Sorgues du Gonta, Monteperne, Gardanne, 28-32. Bolène, Grand Avignon, 17-32. Grand Avignon est deuxième. Les Sorgues du Gonta, Monteperne, 7e. Et Châteauneuf, 11e. Sorgues, 8e. Et Bolène, 12e dernier. Voilà, juste deux mots pour dire avec Jean-Yves que les Sorgaises brillent dans cette pré-nationale. Il faut savoir qu'elles ont échoué pendant déjà 3 saisons. Elles avaient fait un petit peu le yo-yo et apparemment, si ça continue, elles pourraient peut-être espérer y rester puisque c'est les 4 dernières qui descendent. Ouais, la mayonnaise a l'air de prendre cette année et tant mieux. Top chrono, rugby à 15. Allez, on a pris un petit peu du retard, on va parler du rugby, mais j'espère que ça ne va pas trop être long parce qu'il y a des choses à dire ce soir. Et on reviendra bien sûr sur ce match perdu par la SBC du côté de Fréjus Saint-Raphaël. On va juste se rappeler le film. J'arrive à y venir dans une minute. Carton rouge, une petite bagarre à la 19e minute et de la première mi-temps. Et la SBC qui joue 15 contre 14 et qui n'arrive que, malheureusement, à prendre une défaite et un point de bonus défensif pour ce 15 de la SBC qui avait peut-être la victoire, qui leur tendait les bras du côté du Var. Jean-Yves, écoute Fred, c'était minimum d'aller gagner dans le Var à Fréjus-Saint-Raphaël, puisque cette équipe de Fréjus-Saint-Raphaël est 8e alors que Bédaride était 3e avant cette journée. Ils ont joué à 15 contre 14 pendant quasiment une heure. Ben écoute, encore une fois, hein, on l'a dit et redit, mais c'est signe, ce résultat-là est signe que quelque chose ne va pas. On est toujours dans cette problématique des matchs qu'on perd à 5 minutes de la fin. Alors, on a peut-être un élément de réponse ce soir. Il n'est pas agréable pour les entraîneurs. Je le sais, malheureusement, je ne les citerai pas, mais je marquerai ce fait de marquant. Peut-être à un certain moment, il faut arrêter de faire du turnover. Il faut essayer de garder les joueurs pour pouvoir essayer d'accrocher un score. À force de faire changer des changements sur changements, apparemment, ça vient du banc. C'est ça qui m'a été retenu. Ouais, c'est ce qui est remonté à mes oreilles aussi, que le banc était de pas. On est amoindri un petit peu. La SBC est affaiblie en ce moment. Il y a beaucoup de blessés. Le banc, encore une fois, les mecs qui sont sur le banc ne sont pas pourris. On les connaît, c'est des mecs qui sont capables d'être titulaires dans cette équipe. C'est pas comme si on prenait des gars de la B ou des mecs des Bélasquins et qu'on en faisait des équipiers premiers. Ces types-là, ils sont tous potentiellement capables de jouer en équipe 1 à la SBC. Le seul problème, c'est qu'il y a un truc qui est cassé et que personne n'arrive à trouver la solution aujourd'hui pour que ce groupe recommence à fonctionner comme il devrait fonctionner en permanence. C'est le Le seul problème est là, Fred, parce que on ne peut pas expliquer différemment le fait de plus arriver à gagner. Là, tu joues contre l'avant-dernier à 14 contre 15 pendant une heure et tu n'es pas capable de gagner. Enfin, c'est un truc de fou. Alors que tu prétends jouer les phases finales et tu prétends monter. Si tu étais l'équipe de Tricastin ou de Voiron et que tu n'avais pas gagné à l'extérieur contre Pipo et Bimbo, ça se comprendrait. Là, toi, en début de saison, on annonce qu'on veut monter en Fédéral 1. Ben écoute, ça va être compliqué. Mais... Il va falloir tenir le score, mais on aura cette discussion hors antenne, c'est beaucoup mieux. Parce que sinon, on va se faire encore des ennemis. Ce soir, à la radio, je n'ai pas envie du tout d'en avoir. Certain moment, il y a un personnage qui a été 30 caps en équipe de Galles et qui n'a pas été du tout d'accord sur le changement de joueur. Il ne s'agit pas de dire du mal, Fred. Je suis licencié dans ce club, donc bien sûr que je ne vais pas dire du mal de ce club. Et de ce qui s'y passe, mais force est de reconnaître que quelque chose ne va pas dans ce groupe. Alors on l'a dit et redit, on ne va pas ressortir toujours les mêmes excuses, mais à un moment il va falloir trouver une solution parce que ça va plus. Alors et encore soyons sages. Oui, on s'en sort bien parce que Château Renard perd à la maison. Marie va nous lire les scores et on va s'apercevoir que il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Oui, tant mieux, bien sûr. Allons-y pour cette journée au championnat fédéral 2. Alors, Voiron Montélimar 24-25, Saint-Raphaël Fréjus Bédaride 21-17, Château Renard hier Carqueran 13-19, Tricastin Saint-Jean-de-Royan 25-20. Hier Carqueran est premier, Château Renard deuxième, troisième Bédaride, quatrième Saint-Jean-de-Royan et Montélimar neuvième et dernier. Alors on est dans le trio de tête. C'est vrai que là, le encore une fois, Tricastin qui fait trébucher Saint-Jean-Royan, ouais. Qui se voyait un petit peu la place au soleil. Là. On s'en sort d'une bonne ce week-end. C'est le week-end qui compte pas et c'est même un week-end positif pour Bédaride quand tu analyses les choses parce que on chope un point de bonus défensif à l'extérieur qu'on n'était pas capable de choper il y a encore quelques semaines. Et puis en plus, Tricastin qui est derrière nous, bat Saint-Jean-Royan qui nous talonne. Sur le midi olympique, Saint-Jean-Royan est devant nous, mais enfin, peu importe, même nombre de points, enfin, ça se joue au goal average, peu importe. Et puis surtout, la grosse chance qu'on a, c'est que hier, Carquier va battre Château Renard à Château Renard, et du coup, ça fige un peu les positions, heureusement. Donc on est toujours dans les quatre. Exactement. Alors nous serons bien sûr le week-end prochain du côté de Châteauneuf-du-Pape pour la réception de Nice. Et nous serons à Saint-Jean-en-Royan pour faire vivre un 32e de finale pour une place dans les trois premiers. Celui de la semaine prochaine contre Nice revêt une importance capitale puisque les Niçois sont juste derrière nous au championnat. Deux points derrière. Si les Niçois viennent te faire un coup à Châteauneuf-du-Pape la semaine prochaine, ta saison elle est finie, bonsoir, à bientôt. Tu vas te qualifier, bien sûr, mais tu vas te qualifier 5e ou 6e et tu vas aller te choper des gros des autres comités. Autant te dire que ça paraît très compliqué. Mais on va laisser le match se déroule. Oui, celui-là, bien sûr. Par contre, celui-là de Saint-Raphaël, je voulais pas me déplacer à Saint-Raphaël, mais j'ai encore eu un gros réseau. Je pense que le prochain, il semblerait que mardi soir, il va y avoir quelque chose qui va se passer au Verdun. Alors, mais Facebook a ceci de bien, en fait, c'est qu'il nous rappelle les souvenirs d'il y a un an. Il y a un an, toi et moi étions à Le 4, jour pour jour, pour assister à la qualification de la SBC. Sur le terrain de Le 4, dans des conditions dantesques, rappelle-toi. Mais on avait fêté la qualification de la SBC ce jour-là. Alors, espérons qu'on soit du côté de Saint-Jean-Royan pour vivre autre chose.